explain. I just came to see a bit how what you guys are doing. And yeah, I see that someone is having fun here. Yeah, but the thing is, I feel like seems like tonight I feel like tonight has is full of bases. There are bases everywhere, me included. Like there are like 1, 2, 3, 4 bases tonight. Never same. But yeah, I can play something else than bass. I can play a bit of a piano with that thing. Yeah, it's bass, Derek. True. But I will say, because I came from another group, and I thought that you may be interested in going to coming with us, but it's not a big deal. I'm just gonna say that I'm gonna hop off with you for a while, and then I'm gonna come back. So I'll be right back. I'm just gonna say then that I'll be. Well, I'm back. Qu'il soit de nouveau intéressant. Écoutez. Lil Jump, c'est cher. Jump ta basse. Bon, c'est bon. Ah. Explorer. Explorer. New dawn. New day. Explorer. Explorer. Explore a new door, new life with you. Dommage, c'est ça. Collatéral. Assez dommage, assez dommage, assez dommage. Assez dommage, assez dommage. C'est peut-être la dernière. Comme ça. Comme si. Réglage micro. No wait, no hope, no God, no master, no need. Thank you. pas chopé le... Désarçonné. J'essaie de trouver du coup l'enchaînement d'accords, en fait, c'est ça. Voilà. Pas facile, c'est chiant. Comme des bandits à la langue bien pendue. Nous serions comme pendus. Nous aurions été pendus comme des bandits. Langue pendue comme des escrocs. Yaman Kané. Nice, very nice, nice. Say nice, nice. Babylon. Jaya Vaila. Jaya. Nice, very nice. I want to share it. about to make noise, about to share. About to touch, about to plant, about love again. Malgré l'évidence de la catastrophe, push. About to make no, about to make that. About to push, about to make push. Possible. Dance. Very nice. Very nice. Now. Amazing, nigga. About to dance again. About to love. About to make a situation, because we are stood a long time, long time, long time, long time. Donne-moi ta main, camarade. Toi qui viens d'un pays où les âmes sont belles, où les hommes sont beaux, où les âmes sont, où les hommes sont, où les âmes. Dansera bientôt, bientôt. On chantera, camarade. Tu viens d'un pays où les âmes sont. Où les âmes, où les hommes. Incroyable, camarade. Les cascades, on chantera. Dansera, au pied du volcan. Encore et encore, toucher ton visage, encore et encore, caresser ta peau, encore et encore, encore et encore, encore et encore, encore et encore, encore toucher ta peau. Encore toucher ton visage, t'embrasser une dernière fois, comme si c'était la dernière fois. Comme si de rien n'était, je touche comme si de rien n'était. Je crois comme si c'était. Comme si de rien n'était. La première, dernière. Comme. S'il en fallait plus. Comme. Very nice. Adieu. Adieu. Ah, super, super. I know you. Toujours aussi groovy, les gars. Salut. Bonsoir. Jam Tabas. Toujours aussi groovy. Yeah. Cool. Cool wind in my. Pas moi, John Tabas. Moi, c'est Wallace Amat. Experiment. Experiment. À travers la galaxie et ses planètes, il y a comme une envie pour le jam. Un dessert. Jam Tabas. Toujours un plaisir. Une envie de se dépasser. Dépassement. Sans perdre de points. La prochaine. Peut-être. Une autre. Peut-être. Une autre.